Chapitre 8e. Embarras. Le jour de la majorité de Cécile arriva dans ces moments d'incertitude et de peine. Les préparatifs que les fermiers de Cécile avaient faits depuis longtemps pour célébrer cet événement parurent l'intéresser. Elle fit tout ce qu'elle put pour avoir l'air de s'en réjouir. Elle donna un grand dîner à tous ceux qui voulurent s'y trouver et promit de remédier au sujet de plainte de ceux qui prétendaient en avoir. Elle remit plusieurs dettes et distribua de l'argent, des vivres et des vêtements aux plus pauvres. Ses occupations charitables lui rendirent le temps moins long et adoucirent un peu ses inquiétudes. Elle continua cependant à habiter la maison de Madame Charlton, les ouvriers n'ayant point encore fini les réparations de la sienne. Malgré tous ses efforts, sa perplexité vers le soir de cette même journée devint presque insupportable. Elle avait promis à Delville de partir le lendemain pour Londres, et il espérait que le jour suivant elle serait sa femme. M. Monckton n'envoyait personne et ne venait point lui-même. Elle ignorait si sa lettre avait été rendue ou si Delville ignorait encore le coup dont il était menacé. Le chagrin qu'elle allait lui causer se présentait à son esprit et déchirait son âme. Elle se le représentait indigné, offensé, l'accusant d'inconstance, la soupçonnant peut-être même d'artifice, attribuant son changement à des motifs vains et frivoles, et finissant par la bannir avec mépris de son esprit. Mais bientôt ce tableau changeait à ses yeux. Elle ne voyait plus Delville furieux et déraisonnable. Elle le voyait triste, consterné, désespéré d'avoir été trompé. Il ne lui faisait point de reproches, mais ses regards étaient plus mortifiants que les expressions les plus dures n'auraient pu l'être. Ses idées la poursuivaient partout et faisaient couler ses larmes. En vain, elle réfléchissait à la noblesse des motifs qui la faisaient agir. Son innocence, dans laquelle elle s'enveloppait, n'était qu'un faible soulagement au tourment dont elle était la proie. Le lendemain matin, avant 6 heures, sa femme de chambre se présenta avec la lettre suivante qu'un express venait de lui remettre. « À Miss Beverley. » Puisse cette lettre être la dernière que Miss Beverley reçoive jamais. Quelque flatteuse que soit pour moi une pareille espérance, je vous écris cependant avec beaucoup d'inquiétude. On vient de m'apprendre qu'un gentilhomme, que j'imagine d'après la description qui m'en a été faite, devoir être M. Monckton, m'a cherché avec une lettre qu'il paraissait très pressé de me remettre. Peut-être cette lettre est-elle de Miss Beverley. Peut-être contient-elle des instructions auxquelles il faudrait se conformer sans perdre de temps. Si je pouvais deviner ce qu'elles exigent, avec quel empressement, ne chercherais-je pas d'avance à m'y conformer. Il ne serait pas trop tard, j'espère, de recevoir vos ordres samedi, alors que tous ceux que vous jugerez à propos de me donner seront exécutés avec reconnaissance, avec zèle et délice. C'est en vain que j'ai cherché Belfield. Il a quitté Mylord Banelt, et personne ne sait ce qu'il est devenu. Il a donc fallu me confier à un étranger pour dresser le contrat. C'est un homme dont on m'a rendu un excellent témoignage. D'ailleurs, l'intervalle sera trop court pour qu'on ait le temps de tenter sa discrétion. J'emploierai toute la journée de demain, vendredi, à chercher M. Monckton. J'ai tout le loisir nécessaire pour cela, mes soins ayant si bien réussi que tout est prêt. J'ai vu un logement de Pall Mall qui m'a paru commode. Je crois qu'il vous conviendra. Faites-vous précéder par un domestique pour qu'il s'en assure. Si, lorsque vous serez arrivé, je prenais la liberté de vous y aller voir, n'en soyez, je vous supplie, ni fâché ni alarmé. J'userai de toutes les précautions possibles pour n'être ni vu ni reconnu. Je ne resterai que 3 minutes avec vous. L'express qui vous porte ma lettre ignore de qui elle vient. Je n'ai pas voulu qu'il pût me nommer au domestique de votre maison. D'ailleurs, à peine aurait-il le temps de revenir à Londres avant vous. Oui, trop aimable Cécile. J'espère qu'à l'instant où vous recevrez cette lettre, vous monterez dans la voiture qui doit m'amener l'objet destiné à faire le bonheur de tous les instants de ma vie. Puis celle à qui j'en serai redevable en éprouver une partie, et alors il n'y aura rien d'aussi pur, d'aussi parfait que la félicité de Mortimer Delville. Le trouble de Cécile à la lecture de cette lettre fut extrême. Elle vit que M. Monckton n'avait point réussi. La résolution héroïque qu'elle avait formée n'avait abouti à rien, et les choses étaient encore moins avancées qu'auparavant. Il était impossible d'écrire à Delville puisqu'elle ne savait où le trouver. Lui manquer de paroles, précisément au dernier moment, lui paraissait trop cruel, et elle ne pouvait s'y résoudre. Elle pensa cependant d'abord à envoyer quelqu'un à Londres, qui arriverait à l'entrée de la nuit et lui remettrait une lettre de sa part. Mais la difficulté de savoir qui elle pourrait charger d'une pareille commission et l'incertitude qu'on pût le trouver, supposer qu'il eût pris ses mesures pour n'être pas connu, rendait cet expédient trop périlleux. et l'empêchèrent d'y avoir recours. Un seul se présenta à son esprit, et quoiqu'elle en prévit tous les inconvénients, elle crut qu'il était l'unique dans cette circonstance. Cet expédient était de se rendre à Londres, de consentir à l'entrevue qu'il avait proposée dans Pall Mall, et alors, après lui avoir exposé ses doutes, avouer l'inquiétude qui lui causait, de piquer à la fois sa générosité et sa fierté en le déliant des engagements qu'il avait pris avec elle. Il lui restait fort peu de temps pour délibérer. Son plan fut presque aussitôt adopté que formé, et tous les instants étant précieux, elle fut obligée de réveiller Madame Charlton pour lui communiquer la lettre de Delville et la nouvelle résolution qu'elle venait de prendre. Madame Charlton, n'ayant d'autre désir que celui de contribuer au bonheur de sa jeune amie, consentit à ce voyage et lui promit affectueusement de l'accompagner. Quoique Cécile craignît pour elle la fatigue du voyage, elle sentait trop combien sa présence lui était nécessaire pour hésiter à profiter de ses bontés. On fit venir une chaise et des chevaux de poste, et elles se mirent en route escortées par deux laquais à cheval. À peine était-elle éloignée de 2000 qu'elle rencontrait M. Monckton qui se rendait en diligence chez elle. Étonné et alarmé d'une rencontre à laquelle il s'attendait si peu, il arrêta la voiture pour s'informer où elle allait. Cécile, sans répondre à sa question, lui demanda si sa lettre avait été remise. « Je n'ai pas pu, » répliqua M. Monckton, « la remettre à un homme qu'il était impossible de trouver. J'étais actuellement en chemin pour aller vous apprendre que toutes mes recherches avaient été inutiles, et vous dire que votre voyage, supposé que vous n'eussiez pas d'autre but, ne servira à rien, puisque j'ai laissé votre lettre au gens de la maison où vous m'aviez dit que vous deviez vous rencontrer demain matin, et où il est certain qu'elle lui sera exactement remise. « En vérité, monsieur, » s'écria Cécile, « demain matin serait trop tard. L'équité, la conscience, la décence même, tout me dit que j'ai trop attendu. Il est indispensable que je m'en rende à Londres. Cependant, ne croyez pas que ce voyage soit une preuve du peu de cas que je fais de vos conseils. Je ne l'entreprends, au contraire, que pour mieux m'y conformer, et pour que ne puisse pas me soupçonner d'artifice ou de fausseté. » M. Monckton, atterré et confondu, ne répondit rien, jusqu'à ce que Cécile eût ordonné au postillon de poursuivre. Il cria pour l'ordre d'arrêter, et lui fit les plus vives remontrances. Mais Cécile, inébranlable toutes les fois qu'elle croyait avoir raison, lui dit qu'il était trop tard pour changer son plan. Et réitérant ses ordres au postillon, elle oublia bientôt toutes les objections qu'on venait de lui faire.